Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous continuons notre dernière nuit avec Jésus, et nous sommes au chapitre 16. Notre bon Père du ciel, conduis-nous dans cette étude, conduis-nous pour bien comprendre ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples, parce que Seigneur, nous voulons saisir bien comme il faut qui Jésus est. Oh, il y a tellement de mensonges à son égard. Nous voulons bien connaître la vérité et proclamer la vérité. Au nom de Jésus, amen. Nous continuons ce matin l'évangile de Jean, chapitre 16, et Jésus avait commencé à parler au chapitre 13 cette dernière nuit. Vous vous souvenez, cette dernière nuit et qui a passé avec ses disciples, qui a commencé juste un peu avant le repas pascal, chapitre 13. Et il leur a parlé tout au long. Il leur a annoncé la venue d'un consolateur. À partir du chapitre 14, il en parle. Chapitre 15, il en parle. Chapitre 16, il va encore en parler de ce consolateur qui va venir pour le remplacer et qui va rester avec eux éternellement. Au chapitre 13, il a parlé de l'amour du Père envers Jésus, l'amour de Jésus envers nous et l'amour que nous avons les uns avec les autres. Hier, on a commencé à voir la haine du monde en ce qui concerne Jésus. On a vu que le monde a de la haine parce qu'on ne fait pas partie du monde. Le monde a de la haine envers Dieu parce que Dieu ne fait pas partie du monde. Le monde a de la haine envers Jésus parce que Jésus ne fait pas partie du monde. Et le monde a de la haine envers nous parce qu'on ne fait pas partie du monde non plus. Cette haine vient du fait qu'on ne voit pas Dieu de la même façon qu'eux. Cette haine, c'est que Jésus présente Dieu dans la vérité et le monde compte des mensonges en ce qui concerne Dieu. C'est là ce qu'on se sépare. C'est pas que le monde aime pas la façon qu'on vit. La façon qu'on s'habille, ou quelle musique qu'on écoute, ou comment est-ce qu'on vit en famille. Le monde a de la haine contre nous parce que notre compréhension de Dieu est différente que le monde. Dans le chapitre 16, Jésus va continuer à parler de ce même sujet de la haine. C'est ce que nous allons lire à partir du verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc, Jésus continue à leur dire. C'est pas la première fois qu'il dit ça. « Je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver, elles ne soient pas une occasion de chute pour vous. » On dit souvent un homme averti en vaut deux, un chrétien averti en vaut deux, un disciple averti en vaut deux. Jésus veut que ses disciples comprennent ou se souviennent qu'il avait dit certaines choses et que ça va les aider à passer au travers. L'occasion de chute du verset 1, c'est la chute, c'est pas de faire un péché quelconque. L'occasion de chute, c'est d'abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Abandonner à cause qui est pris par les Juifs, abandonné parce qu'il est crucifié, abandonné parce qu'il part, abandonné parce que le monde a de la haine pour lui. Et je vous ai dit ces choses pour qu'il ne soit pas une occasion de chute pour vous. Il a dit hier, je vous ai dit cela parce que le monde va vous haïr, le monde va vous persécuter. Il ne faut pas que vous soyez surpris. Quand ça va arriver? Vous allez vous dire, le Seigneur Jésus nous l'avait dit. Le Seigneur Jésus le savait parce qu'il est omniscient. Le Seigneur Jésus sait toutes choses. Il sait ce qui va arriver à ses disciples et à l'Église. au verset 2, il dit « Ils vont vous exclure des synagogues à cause de mon nom, à cause de que vous prêchez la même chose que moi, à cause que vous dites la même chose que moi. » C'est ça qu'ils ont fait avec moi. Quand je prêchais dans les synagogues, ils m'ont poussé en dehors des synagogues, ils ont voulu me lapider des fois, ils ont voulu me faire mourir. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Imaginez-vous à quel point ils ne peuvent pas être plus dans l'erreur. Leur compréhension de Dieu est tellement contradictoire avec la nôtre. Ils vont vous faire mourir et ils vont penser qu'ils font une bonne chose. L'apôtre Paul va être un exemple de cela. L'apôtre Paul part en guerre contre la nouvelle Église, croyant faire ce qui est bien, croyant rendre un culte à Dieu, croyant faire protéger Dieu, protéger l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la loi de Moïse. Et quand il s'en rend compte, il va pleurer amèrement, notre cher Paul, se souvenant qu'il a fait mourir les chrétiens. Et le verset 3 dit, « Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Donc, toute la réaction de haine, toute la réaction d'amertume, de tuerie, de meurtre, comme l'apôtre Paul a fait, c'est parce qu'il n'a pas connu le Père ni moi. Imaginez-vous l'apôtre Paul qui se croit très connaissant, l'apôtre Paul qui est zélé pour la loi de Moïse, l'apôtre Paul qui connaît les Écritures presque par cœur. Jésus dit, il n'a pas connu le Père et il ne m'a pas connu non plus. C'est pour ça qu'il va partir en guerre contre vous, qu'il va partir en guerre contre l'Église. Et tous ceux qui le font jusqu'à aujourd'hui, qui sont en guerre contre l'Église, en guerre contre ceux qui proclament la vérité en ce qui concerne Dieu et la vérité en ce qui concerne le Christ. Mes frères et sœurs, il est vrai que des fois, les gens sont en guerre contre nous, puis des fois, ils ont presque raison parce qu'on manque de sagesse, on manque d'équilibre. Et des fois, on prêche plutôt une religion que prêcher Jésus-Christ. On défend des principes, des traditions évangéliques plutôt que défendre la vérité en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont souffert de la part des inconvertis, non pas parce qu'ils ont prêché la vérité en ce qui concerne Jésus, mais parce qu'ils ont mal prêché l'Évangile. Okay? Ils l'ont mal fait, sans considérer, sans compassion, sans miséricorde, avec arrogance des fois. Verset 4, je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Pendant qu'ils leur disent cela, là, ils entendent quasiment plus, je pense. Ils sont tellement perturbés et troublés ce soir-là. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent même ce que Jésus est en train de dire. Mais il va le dire un peu plus bas. Je vais vous donner quelqu'un, le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va vous aider à vous rappeler tout ça. Vous allez vous en rappeler. Et ça va fortifier votre foi. Ça va fortifier votre foi envers moi. Il le savait, le Seigneur Jésus. Il nous l'avait annoncé. Il nous l'avait prédit. Ne soyons pas troublés. Ne soyons pas, que ce soit pas pour nous une occasion de chute quand ça nous arrive. Il dit, je vous les ai pas dit dès le commencement. Pourquoi? Parce que j'étais avec vous. Donc, le temps que j'étais avec vous, je prenais soin de vous. Ben, vous me suiviez, vous marchiez avec moi, vous étiez capable de continuer à cause que j'étais là. Maintenant, je vous le dis parce que je m'en vais. C'est ce qu'il dit au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Ça fait chapitre 13, il le dit, chapitre 14, il le dit, chapitre 15, il dit, je m'en vais, je retourne auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous me demande, où vas-tu? Pourtant, ils l'ont demandé, là. Au chapitre 14. Où vas-tu, Seigneur? Il leur a dit, vous ne pouvez pas venir. Où est-ce que je m'en vais? Mais là, ils sont rendus tellement dans confusion, sont tellement rendus dans la tristesse, c'est ce qu'il dit au verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse en remplit votre cœur. Vous êtes tellement triste du fait que je m'en vais et que vous ne pouvez pas venir auprès de moi. Peu importe ce que je vous dis, là. Ça rentre plus, on pourrait dire. Vous comprenez plus. Votre cœur est rempli de tristesse et C'est comme si vous n'entendez plus ce que je vous dis. Mais le temps vient, le moment vient, où est-ce que vous allez tous vous souvenir? C'est ce qu'il dit au verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Non, il répète ici cette grande vérité, ce grand encouragement. Je m'en vais, c'est vrai. Mais il y en a un autre qui vient et qui va prendre la place et ça va vous avantager. Ce consolateur-là va vous rappeler, va vous aider à faire comprendre, à vous faire comprendre les grandes vérités que je vous ai dites qui concernent le Père, qui me concernent moi. Vous devriez vous réjouir. C'est ça qu'il avait dit au chapitre 14. Vous devriez plutôt dans la joie que je m'en vais. Parce que le Saint-Esprit va venir. Non pas que le Saint-Esprit est plus grand que Jésus, mais c'est parce que sa mission à lui est différente. Ça va être maintenant de transformer les chrétiens, de les faire naître de nouveau, de leur faire comprendre les vérités, de leur rappeler les vérités. Donc, c'est important de bien comprendre cela. Il dit, quand il va venir au verset 8, quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que ne me verrai plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Essayons de bien comprendre ce qu'il est en train de dire là. Il vous est avantageux que je m'en aille et que le Saint-Esprit y vienne. Et quand il va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il nous l'explique. Il va convaincre en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le Saint-Esprit va œuvrer quand il va venir. Il va convaincre. L'œuvre de l'Esprit, c'est de convaincre. Quand il dit qu'il va convaincre le monde, on sait très bien qu'il ne va pas convaincre tout le monde. Okay? Qu'il va convaincre tous les gens du monde, tous les gens de la planète. Non, il va convaincre des gens dans le monde, okay? Des gens de péché, de justice, de jugement. Il convaincra. Il va amener des gens à la conviction qu'ils ont péché. Il ne va pas convaincre les hommes que leurs mauvaises œuvres sont péchés. C'est pas ça dont il parle. Le Saint-Esprit va avoir une œuvre dans le monde en ce qui concerne Jésus. Il va convaincre les gens qui rejettent Jésus que c'est péché de rejeter Jésus. OK? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc, il va les convaincre de péché d'avoir rejeté Jésus, d'avoir pas cru en Jésus. Il va convaincre le monde de justice, parce que Jésus va monter au Père. Si le Père le reçoit, c'est que Jésus était correct, c'est que Jésus était juste. Il va convaincre le monde de jugement, parce que le prince de ce monde va être jugé. Si le prince de ce monde est jugé, le monde qui le suit, ce prince-là, est aussi jugé. Parce que le monde a rejeté Jésus. Comprenons bien ceci. Je crois que ça fait partie du fait, pour ça qu'il a parlé que Satan fait partie du complot contre Jésus. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde en ce qui concerne Jésus. Ceux qui rejettent Jésus sont jugés et sont condamnés. Parce que le Saint-Esprit ça va être son œuvre. Je crois qu'il va commencer par convaincre les disciples de cela. Hein, il va commencer par les convaincre eux, le Saint-Esprit, quand il va venir en eux, et il va aussi venir dans les autres après. Donc, l'œuvre de l'Esprit, c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, dans ce contexte de Jean ici, le Saint-Esprit, il est avantageux qu'il parte parce que sans lui, sans l'Esprit, les gens ne vont jamais croire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, il y avait la vie. Donc, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pour ça qu'il est avantageux qu'il parte et qu'il vienne dans la vie des disciples et dans la vie des gens pour les convaincre en ce qui concerne Jésus. C'est tellement important qu'on comprenne l'œuvre de l'Esprit. Et il va continuer à en parler demain. L'œuvre de l'Esprit dans le monde. Même dans l'Église, on dit tellement de choses en ce qui concerne le Saint-Esprit. On a mal compris, je dirais, bien souvent, l'œuvre du Saint-Esprit. Pour bien comprendre le Saint-Esprit et son œuvre, le chapitre 14, 15, 16, 17 de Jean sont les chapitres les plus importants pour bien comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui en parle. Jésus dit comment il va venir et pourquoi il va venir, chez qui il va venir et quelle va être son œuvre. Notre bon Père du ciel, aide-nous à bien comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Aide-nous à se réjouir avec toi de ton départ de ce monde et de la venue du Consolateur qui va convaincre des milliers et des milliers de gens en ce qui concerne Jésus, afin que les gens aient la vie et qu'ils deviennent tes serviteurs et tes servantes. Amen.